faut être dans la mentale. Si Fox Popo est là, bro. Pour commencer ma journée, j'ai mis les gants, ouais. J'ai démarré une bécane et je suis monté sur un plan. Tu veux que je te parle de quoi, dis-moi y'a quoi à prendre. Je veux pas savoir ils sont combien, dis-moi juste on y va quand. Hein, t'as capté, bah oui. J'ai mis de la frappe et j'ai ramené Valé en cri. Le terrain il tourne, ouais. Les condés aussi, ouais. Mais j'allume un petit, je suis dans la part de repli, hey. On parle pas beaucoup, mais on est armé au cas où y'a embrouille. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. Cogne, ça y est c'est reparti. Je suis un vrai, j'ai rappé donc maintenant ils savent je suis qui. Y'a des outils, des Loki et des grosses équipes. Donc il faut que j'appuie. Bang. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. J'ai ouvert les yeux. Avant d'ouvrir les volets, je voyais encore noir. Donc je suis parti voler. Peu de temps après, je voulais viser des mollets. Y'a personne pour m'épauler. Personne. À part mon reflet. Et quelques pieds violets. Le temps y passe, je me dis je suis tout seul. Y'a pas de vrais potes, y'a des vrais putes. On les connaît, on les a barbis. On a pub sur moi et quand j'arrive, ils parlent plus. Hey, faut des loaves, faut mettre vers la famille. J'écris, je pense à les mettre à l'abri. L'abri, c'est toujours ma tessie. Je suis à Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends d'auto, en vrai t'as pas de couilles. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends d'auto, en vrai t'as pas de couilles. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends d'auto, en vrai t'as pas de couilles. Descends d'auto, en vrai t'as pas de couilles. Descends d'auto, en vrai t'as pas de couilles. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends d'auto, en vrai t'as pas de couilles. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends d'auto, en vrai t'as pas de couilles. On monte sur un coup, tu me parles de Condé. Descends d'auto, en vrai t'as pas de couilles. Descends d'auto, en vrai t'as pas de couilles. Descends d'auto, en vrai t'as pas de couilles. Fax, Popo, H, Labreu. Descends de l'auto, en vrai t'as pas de couilles. Comédien va. C'est la rue, faut être dans la mentale.